Audiomatic. Thank you. La transmission 083 d'Audiomatique était lancée grâce à la chanson Full Stop du groupe anglais Radiohead, chanson tirée de leur 9e album studio, A Moon Shaped Pool, paru numériquement le 8 mai dernier et qui sera distribué physiquement en format vinyle et CD le 17 juin prochain. Les électronistes sont conscients que tous ne peuvent pas être d'accord avec leurs choix musicaux. Les goûts, les humeurs, les perceptions, les filtres de chacun forcent chaque auditeur à appréhender la musique différemment selon sa propre réalité. Néanmoins, les électronistes espèrent qu'une certaine ouverture d'esprit amène l'auditeur à apprécier leurs choix, à peut-être les critiquer, certes, mais à toujours les respecter, parce que dans le respect de chacun se trouve l'évolution de notre relation avec les artistes, avec leurs compositions, avec leur musique. Comme nous le faisons chaque semaine, ouvrons-nous donc, avec tout le respect qu'il se doit, à une nouvelle artiste ayant récemment fait son entrée sur la scène musicale. Voici Dat Garcia et la pièce-titre de son premier EP intitulé « Ermitaño Interior ».

cette séquence de trois pièces à laquelle ont pris part des formations et projets musicaux d'Argentine se terminait sur la musique du duo Galgo y Kiki. Nous entendions la pièce Botanics qui se retrouve sur la compilation El Sudaca Contrataca Volume 1 de l'étiquette de disque Incorrecto Records. Avant Galgo y Kiki, c'était la formation Tremor qui nous offrait la pièce Terminal de son premier album Viajante, sur lequel se mélange à merveille la musique folklorique argentine avec des rythmes et sonorités IDM. Et c'est le projet Dat Garcia qui ouvrait la séquence avec la pièce titre de son premier album Ermitaño Interior. Audiomatique avec les électronistes se poursuit avec une collaboration entre The Knife, Mount Sims et Planning to Rock. We'll be right back. Trois-Rivières, c'est le 89.9. C'est fou. À Audiomatique, tout juste avant la halte publiciste, nous avons pu entendre la longue pièce « Coloring of Pigeons » tirée de l'album « Tomorrow in a Year », composée par le duo suédois The Knife en collaboration avec le projet américain Mount Sims et le projet britannique Planning to Rock. À la base, les pièces que l'on retrouve sur « Tomorrow in a Year » ont été composées à la demande de la troupe danoise Hotel Pro Forma, qui désirait monter un opéra dont le concept était le monde vu à travers les yeux du naturaliste anglais Charles Darwin, célèbre entre autres pour son ouvrage « De l'origine des espèces » publié en 1859. La formation new-yorkaise Controlled Bleeding nous plonge maintenant dans une ambiance mélangeant la musique éthérée et darkwave avec sa pièce « Aftermath ». Our dreams as lovers are. la formation Delirium concluait le bloc avec Allurance, une pièce se trouvant sur l'album Morpheus, paru en 1989. On peut dire que cet album appartient à la première période de Delirium, durant laquelle les membres Bill Lead et Rhys Fulber du groupe Frontline Assembly expérimentaient pour créer une musique tribale, ambiante et parfois glauque. Par la suite, avec la parution de l'album Semantic Space en 1994, Delirium a pris une tournure plus accessible et a connu son apogée avec l'album à succès Karma, sorti en 1997. Avant cela, c'était la formation canadienne Psyche, de qui nous écoutions la pièce The Dark Pool tirée de l'album The Influence, un album sur lequel apparaît la contribution marquée de l'artiste David Christian. Cet album est paru en 1989. Et c'est Controlled Bleeding qui ouvrait la séquence musicale avec Aftermath, une pièce qu'on retrouve sur l'album Golgotha, paru en 1991. Pour terminer cette transmission 083 d'Audiomatique, les électronistes vous présenteront la pièce Paradise Circus de Massive Attack, remixée par Guy Borato. On retrouve sur cette pièce la chanteuse Hope Sandoval, connue pour sa participation à Mazzy Star et à son groupe Hope Sandoval and the Warm Inventions. La version originale de Paradise Circus est parue sur le cinquième album de Massive Attack intitulé Heligoland est lancé en 2010. Les électronistes vous invitent à partager une autre heure de musique électronique mercredi prochain dès 17h dans le cadre de la transmission 084 d'Audiomatique qui est, comme toujours, diffusée en direct sur les ondes de CFOU 89.1 FM. De plus, les électronistes partagent avec vous toutes leurs anciennes transmissions grâce à leur profil facebook.com/audiomatique-cfou. Il n'en tient donc plus qu'à vous d'assouvir en différé votre désir de musique électronique comme bon vous le semble. Voici donc Massive Attack et Hope Sandoval qui nous interprètent la chanson Paradise Circus, le tout remixé par le Brésilien Guy Borato. Bonne écoute et bonne semaine. again.